Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un très beau film pour nos jeunes amis. Il était une fois en Afrique australe un bébé suricate répondant au nom de Colo. Ce petit animal carnivore, malin et joueur, va devoir braver la sécheresse et de dangereux prédateurs afin de relever le plus grand défi de sa vie, retrouver ses parents, ses frères et ses sœurs. Faites la connaissance des suricates. Une famille solidaire, nombreuse et joueuse. Chez eux, le papa se prend pour le roi. Mais c'est maman qui commande à la maison. Et comme d'habitude, les petits n'en font qu'à leur tête. Parfois, leur soif d'aventure les entraîne dans des situations périlleuses. Loin de chez lui. Seul, pour la première fois, ce petit héros devra faire preuve de courage pour relever le plus grand défi de sa vie. Retrouver sa famille. Entrez dans l'immensité du monde sauvage. Et vivez une histoire pleine d'émotions. La famille suricate. La famille suricate, un film magnifique raconté par Guillaume Canet, un DVD Whiteside.